Je me suis engagée pour l'amour d'une blonde. Je me suis engagée pour l'amour d'une blonde. C'est pas pour l'anneau d'or que vous m'avez donné, mais pour un doux baiser qu'elle m'a refusé. Dans mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. Dans mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. Mon capitaine m'a dit, où vas-tu sans souci? Je m'en vais dans le vallon, rejoindre mon bataillon. Soldat, t'as du chagrin par l'abandon de ta blonde. Soldat, t'as du chagrin par l'abandon de ta blonde. Elle n'est pas digne de toi, la preuve est à mon doigt, tu vois bien clairement que je suis ton amant. Là-bas, dans le vallon, coule claire fontaine. Là-bas, dans le vallon, coule claire fontaine. J'ai mis mon ami bas, mon sabre au bout de mon bras, elle me suis battue là comme un vaillant soldat. Au premier coup tiré, j'ai tué mon capitaine. Au premier coup tiré, j'ai tué mon capitaine. Mon capitaine est mort, et moi je vis encore, mais dans 40 jours, ce sera à mon tour. Ceux-là qui me tueront, ce sera mes camarades. Ceux-là qui me tueront, ce sera mes camarades. Ils me banderont les yeux avec un mouchoir bleu et me feront mourir sans me faire souffrir. Que l'on mette mon cœur dans une serviette blanche. Que l'on mette mon cœur dans une serviette blanche. Qu'on lui porte à mamie qui demeure au pays, disant voici le cœur de votre serviteur. Soldat de mon pays, ne le dis pas à ma mère. Soldat de mon pays, ne le dis pas à ma mère. Mais dites-lui plutôt que je suis à Bordeaux, captive de ces Anglais, qu'elle ne reverra jamais. Voilà.